Le monde est en guerre, contre ses fils, ses pères. On se méfie de ses pères, l'accès aux autres se perd. Chacun ne pense qu'à sa gueule, dans la hurle les gens s'évitent. Le système se casse la gueule, y'a urgence et vite. Car dans les mains des dirigeants, en deux l'argent s'effrite. Et la caisse destinée au pays en émergence est vide. Les politiques sont cupides, les gens dehors stupides. Les trois quarts prennent du speed et se plaignent quand ils prennent du bide. Le monde est en guerre contre les squatteurs de hangars. Prends garde, ils ont pris en grippe les taggeurs de train en gare. Ils savent exactement ce qu'ils font, la banque, les monégas, ce qu'ils vont. La vie est un skitron, mais gare à la glace qu'ils font. L'hypocrisie règne en maître sur ce monde qui s'éteint. Combien de couchers de soleil nous reste-t-il? Qui sait, hein? Personne t'a vu ces hauts alors qu'ils chaque instant. L'amertume est une flèche et l'arc du chagrin stand. D'être dans la peau d'une balle, mourir une balle dans la peau. Quitter le bal pour une histoire de drapeau. La loi du nombre dit qui porte le chapeau. Quand la colombe succombe à la bave du drapeau. Dans la peau d'une balle, le temps d'une balle dans la peau. Quitter le bal pour une histoire de drapeau. Être qu'une ombre dans l'ombre du troupeau. Quand la colombe succombe à la bave du drapeau. Un climat de terreur s'est abattu sur la terre. On erre dans l'erreur, la peur est mère de la rancœur. On compte plus les coups de feu, cet orchestre est infini. Dans l'oreille écoute ceci, joue leur funeste symphonie. Nos dirigeants ont demeuré, leur faute énorme est tellement sale. Le monde se meurt et l'alchimiste transforme le sel en sable. Mes larmes se cristallisent dans ce monde effroi. Mon doigt se crispe, balise devant l'ampleur de mon effroi. Le monde est en guerre, qu'elle soit mondiale, froide ou sainte. Théma tout contentieux sert, d'ailleurs parfois tout simple. L'ONU n'est qu'une façade, les vrais bis se gèrent sous la table. Un veto n'est qu'une passade, pas une palissade infranchissable. Il suffit d'un petit teigneux qui apprend ce que dit le Christ à l'envers. Des thunes et une politique haineuse pour en un cœur triste à l'enfer. On parle des actes à Corée, mais ça se tire aussi à Nanterre. Pas besoin d'aller très loin pour rendre visite à l'enfer. D'être dans la peau d'une balle, mourir une balle dans la peau. Quitter le bal pour une histoire de drapeau. La loi du nombre dit qui porte le chapeau. Quand la colombe succombe à la bave du drapeau. Dans la peau d'une balle, le temps d'une balle dans la peau. Quitter le bal pour une histoire de drapeau. Être qu'une ombre dans l'ombre du troupeau. Quand la colombe succombe à la bave du drapeau. Dans le train de l'oubli, y'a plus de place assise. Des génocides dans chaque valise, que le temps réouvre à sa guise. Le monde est tête en guerre hier et le sera encore demain. Je devrais pas mettre les rimes guerrières contre eux, je m'en accorde plein. On n'a jamais connu la paix depuis le temps des guerres tribales. Et on la connaîtra jamais comme le respect derrière un tire-pâle. À n'importe quel âge, trop de gosses en décalage. Y'a ceux qui bigravent du H et ceux qui bigravent des calaches. Le monde est en guerre et redémarre à chaque émeute. La partie ne s'arrêtant que par échec et mat. Qu'on zappe leur crasse, que dalle. Ça passera à pas la trappe, mon rap leur lâchera pas la grappe, la gale que c'est passe à la trappe. Théma, cette haine nous mène à des conduites inhumaines. Et qu'elle soit tienne ou mienne, regarde jusqu'où cette tienne amène. Le point levé face au temps, tant qu'il y aura des tiennes amène. Le point levé, et qu'à cela ne tienne amène. D'être dans la peau d'une balle, mourir une balle dans la peau. Quitter le bal pour une histoire de drapeau. La loi du nombre dit qui porte le chapeau. Quand la colombe succombe à la bave du drapeau. Dans la peau d'une balle, le temps d'une balle dans la peau. Quitter le bal pour une histoire de drapeau. Être qu'une ombre dans l'ombre du troupeau. Quand la colombe succombe à la bave du drapeau. Être dans la peau d'une balle, mourir une balle dans la peau. Quitter le bal pour une histoire de drapeau. La loi du nombre dit qui porte le chapeau. Quand la colombe succombe à la bave du drapeau. Dans la peau d'une balle, le temps d'une balle dans la peau. Quitter le bal pour une histoire de drapeau. Être qu'une ombre dans l'ombre du troupeau. Quand la colombe succombe à la bave du drapeau. Être dans la peau d'une balle, mourir une balle dans la peau. Quitter le bal pour une histoire de drapeau. La loi du nombre dit qui porte le chapeau. Quand la colombe succombe à la